L'actualité à Nancy et ailleurs. Le samedi 28 mars, la salle des fêtes de Malelois accueillera la première édition de l'Apéro Rock, une soirée musicale conviviale, organisée par l'École de musique associative locale. Pour nous en parler, nous accueillons Nicolas Baum. Bonjour, merci. Bienvenue. Merci. Vous êtes président de La Musique Tout Simplement, l'association donc qui porte ce rendez-vous. C'est ça, exactement. Parlez-nous déjà un peu de l'école de musique de Malelois. On situe déjà Malelois ? Malelois, on est dans le bassin de Pompée, donc entre Nancy et Pont-à-Mousson, environ 15-20 minutes de Nancy, donc on est juste à côté de Custine en fait. Et là-bas, à Malelois, il y a une école de musique. L'école de musique est composée d'à peu près d'une cinquantaine d'adhérents. On propose plusieurs instruments, donc la guitare, la batterie, le piano. Il y a aussi une chorale, et cette année, on a en plus des cours de chant qu'on propose. Elle existe depuis longtemps, cette école ? Cette année, ça fera les 18 ans de l'école. Donc déjà pas mal d'existence et pas mal de jeunes passés par cette école. Alors. Exactement, oui. Vous accueillez des jeunes à partir de quel âge ? Tous les âges. En général, on commence vers 6-7 ans pour les plus jeunes et après, ça va jusque des retraités, on va dire. Des anciens jeunes. Des anciens jeunes, voilà. Et donc, avec l'école de musique, vous organisez déjà un rendez-vous classique, la fête de la musique. Donc, chaque année, on fait la fête de la musique sur la place du village. Donc, on l'a fait en collaboration avec le collège de Custine, qui a une chorale. Ça fait quelques années qu'on le fait, il y a quand même beaucoup de monde. Et on fait aussi chaque année, mais plus réservé aux adhérents, la fête de l'école, en fait. Voilà. Et cette année, vous avez décidé d'innover, de lancer un nouveau rendez-vous. Un apéro rock. C'est ça. Alors expliquez-nous pourquoi avoir lancé ce rendez-vous. L'idée, c'était qu'on voulait proposer une soirée conviviale autour de la musique. Donc on voulait sortir un petit peu du schéma traditionnel des concerts où on s'assoit et on écoute de la musique. Donc là, en plus, on va proposer donc un apéro, comme le nom l'indique. Donc les gens peuvent s'asseoir, on propose de la petite restauration de buvette, donc tout en écoutant de la musique des groupes locaux. Donc ce sera le samedi 28 mars à la salle des fêtes de Malelois. Oui. Il y aura quoi au programme au niveau musique ? Il y aura 5 groupes qui vont participer, 2 de l'école de musique de Pompée, un groupe d'Arouet et 2 de Malelois en fait. On ne voulait pas réserver ça au groupe de Malelois, on voulait apporter un peu de diversité en invitant d'autres écoles de musique. Et donc ce sera principalement de la musique rock. L'ouverture des portes à 18h30. C'est ça. Certains qui seront sur scène ce soir-là, ce sera leur première scène ? Oui, exactement. Peut-être un petit peu de stress, mais bon, c'est toujours bien de jouer en public, parce que c'est vrai que jouer, faire des répétitions, bon, c'est bien, c'est important, mais bon, la scène, c'est autre chose, donc ça permet d'avoir un petit peu du public, l'adrénaline, c'est toujours bien quand on joue de la musique. C'est motivant. Oui, exactement. Ce qui motive aussi, c'est le mot apéro dans votre rendez-vous, bien sûr, pour faire venir du monde. Donc il y a cet aspect convivial que vous mettez bien en avant. En fait, l'idée, c'est vraiment de partager un bon moment. Donc on propose des tartes flambées et des planches apéro. Donc les planches apéro, ce sera uniquement sur réservation. Les tartes flambées, on conseille les réservations, mais bon, c'est pas indispensable, mais c'est quand même conseillé. On préparera des tartes flambées le soir même, en fait. Et si on veut réserver, on fait comment ? Alors, il faut se rendre sur le site Facebook de l'association. Donc c'est la musique, tout simplement. Et donc là, vous aurez toutes les infos pratiques pour réserver, en fait. Et sinon, pour la soirée, à partir de 18h30, l'entrée est libre. Oui, exactement. C'est ouvert à tout le monde. Même si vous n'êtes pas forcément adhérent de l'association, ça peut être des familles, des musiciens, des gens qui aiment la musique rock, ou alors même des curieux, tout simplement, en fait. Dans la musique qui sera proposée, beaucoup de rock, des reprises, des morceaux originaux ? Ce sera vraiment que des reprises. Donc ça va être des groupes des années 90-2000 ou des groupes actuels en fait. Ça va être des groupes assez connus comme Radiohead, Muse, Coldplay. Il y aura un petit peu de français, je crois qu'il y aura Indochine. Et par exemple aussi Superbus. Bon, je vais garder un petit peu la surprise pour les autres quand même. Donc ça se prépare longtemps à l'avance, un événement comme ça ? Oui, ça fait des mois qu'on prépare ça, Pour que ce soit un événement quand même festif, donc ça demande un petit peu de préparation. Les préparations se voient quasiment tous les mois pour mettre au point les derniers détails. Pour les groupes, là aussi on répète toutes les semaines pour que ce soit le mieux possible pour le public et pour nous. Donc le samedi 28 mars, l'apéro rock organisé par La Musique Tout Simplement, c'est à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Malelois. Je vais vous laisser le dernier mot, un dernier argument pour donner envie aux éditeurs de vous rejoindre ce soir-là. Bah, on vous attend nombreux à Malelois pour partager ce moment avec nous. Et donc tout le monde peut venir. Donc comme vous voulez. Ah, je peux rajouter un mot, parce qu'on a des partenariats, pas forcément les citer, mais... Oui, on va refaire, et on fera la conclusion après. Autant pour moi. Non, c'est pas grave, c'est l'avantage d'enregistrer. Mais je vais pas les citer parce que sinon ça fait de la pub, je sais pas si... Mais, oui, après ça fait trop liste, mais on va faire autrement. Alors, donc l'apéro rock, c'est le samedi 28 mars. Pour organiser un événement comme ça, alors déjà, il faut certainement des bénévoles. Oui. Vous êtes nombreux. On sera 10-15 bénévoles à participer à l'événement pour tout organiser, en fait. Et vous avez d'autres soutiens aussi Bah oui, on a des acteurs locaux qui ont accepté de nous soutenir. Donc c'est important pour nous financièrement. Ça permet aussi d'apporter un peu de dynamisme quand même sur le bassin de Pompée. Donc c'est toujours un plus, Alors je vous laisse le dernier argument pour les auditeurs, leur donner envie de venir le samedi 28 mars à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Malelois. S'il y avait trois mots vraiment à retenir, ce serait rock, local et convivial. Et donc on vous attend nombreux pour le samedi 28 mars à Malelois. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.